Ma âme c'est criminogène, comme un épisode Columbo. Je suis le faucon qui bouffe la colombe ou le pop caché dans l'endos. N2S professionnel face au bel mando. N2S violent comme un coup de slash dans tes abdos. Crescendo avance avec tout référence mes aînés. Déprimé impossible, visage tatoué, couleur ailée. On veut que je la ferme pendant que mes frères mangent du ferme à freine. Génération en sursis, dans le vice plus rien nous freine. Mes frères eux ils partent tous de style sur Pattaya. Pour faire taille des pipes en fumant un bédo d'aïa. La chance chez moi y'en a eu chouïa. Trop peu pour réussir, on me demande pourquoi tant de paranoïa. Je viens de ces blocs où partout y'a la parabole. La violence kiffe ça dans les films ou sur ma console. Ici y'a un clat d'une âme qui nous console. Et pas criminogène, pas que les putains sont le symbole. Décédant, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète, qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Décédant, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète, qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Passe-moi le plif, faut que je m'alimente, je remonte la pente. C'est triste à dire, y'a que ça qui me tente. Mon flow t'enchante, faut que t'achètes, fais grimper les ventes. Dans le bison, vente dissident, équipe compromettante. Quand tu te plantes, chaque fois que j'excelle, faut qu'ils sentent. Que j'ai la rime opérationnelle et fructifiante, je représente. Les mecs qui roulent des splits, aux heures tapantes et qui pendent. À l'écoute du dissident sur bande, ma propagande. Augmente de jour en jour, dans l'ordre de grande, l'envie est grande. J'ai rien à perdre, mec, j'ai tout à prendre. Pas trop à rendre, chaque fois que je réduis l'MC en cendres. En bref, parle pas. Et laisse mon empire s'étendre, faut qu'ils entendent tout. J'attends qu'une chose, que mon salaire augmente. Le rap me tente, c'est vrai, mais les pépettes manquent. Donc je rentre dans ce piste pour bien me remplir le ventre. Marre de perdre, je veux prendre, j'ai la rage dans le ventre. Dissident, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète les dents. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Dissident, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète les dents. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. La trio, pas de Rio. Janeiro, rap de dégénéré. Pour une génération sans zéro, c'est Zetso venu creuser des fossés. T'as vu le niveau, on a haussé. De façon pour ça on a bossé. Fume un spliff pour décompresser. Poser le son c'est mon taf foncé. J'viens pour tout défoncer. Poncer sur le bitume, l'odeur du bitume. Nous on nique ton système, l'état et toutes ses coutumes. C'est Zetso, texte perso. Premier verset, bien perçu. Pour une perso ou un aperçu. Forcément tu persis. Continue, mate le contenu, y'en a très peu contenu quand ça commence violemment. Eux ils se croient sous l'alma et disent sauf faut calmer car c'est violent comme du de palma. Nous, on veut pas la palma, can juste le spliff ou la henken. Comment on montre combien notre henken. Monte sur le trône à la bouche un cône. La 16, Martinique, Martinique, ils sont l'hexagone. On dit que c'est Z, mec de test. Pas de politesse ni de délicatesse. Quand ta langue se délite ta tête, tu peux pas test. Ok, c'est d'ici dans tes têtes à texte. Pour ceux qui contestent. Dissident, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète les dents. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Dissident, regardez ceux qui sont dedans. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. J'crois que c'est évident. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. Style qui pète les dents. Qu'on le son, dans le sang, ça sent. HLM résident. Dans le sang, ça sent. 9, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,